cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'd. Fama huwa as-siratu al-mustaqim? As-siratu al-mustaqim, as-siratu al-haq. Naam. Zid? Huwa shari'atu allati mata'a bihi. شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح الموصل إلى الله عز وجل وإلى جنته هذا هو الصراط المستقيم أي دين الله الحق فما معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم تفضل تسأل عز وجل علما نافعا وعملا صالحا أحسنت سؤال الله عز وجل أن يهدي القارئ أي الذي يقول هذا الدعاء أن يهديه إلى الصراط المستقيم أي إلى العلم النافع والعمل الصالح فسأل دعاء عظيم فالمؤمن إذا قرأ هذا الدعاء celui qui récite الفاتحة فليتأمل et médite sur ce verset et sur tous les versets et يدعو بإخلاص avec sincérité فهذا الدعاء في الحقيقة فيه خير عظيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم أي سايكسفليك الصراط المستقيم أي la voie de هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من هم تفضل جد كل من تبع من يذكر الدليل ذكرناها من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال رحمة الله عليه قوله تعالى غير المغضوب عليهم أي غير الصراط المغضوب عليهم فدعاء أن الله عز وجل يهدي المسلم إلى الصراط المستقيم وكذلك غير الصراط المغضوب عليهم قال هم اليهود وكل من علم بالحق ولم يعمل به قال قوله تعالى ولا الضالين هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من عمل بغير الحق جاهلا به هذا فيه بيان طريق أهل الانحراف والباطل الله سبحانه وتعالى وسورة الفاتحة حذرنا من طريق هؤلاء الزائغين الكفرة اليهود ومن تشبه بهم والنصارى ومن تشبه بهم فقال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب على وزن مفعول أي من الغضب فهم مغضوب عليهم أي الله سبحانه وتعالى غضب عليهم لماذا؟ لأنهم يعرفون الحق لكن لا يعملون به Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre ha'oula al-yahoud li'annahum alimul haq ils connaissent la vérité lakin ils n'appliquent pas. Pourquoi al-kibr wal-inad wal-hawa hada ça nous montre qu'anna connaître l'haq ça ne suffit pas. Labud min al-inqiyad wal-istislam lillahi azza wa jal. Iblis كان يعلم أن الأمر بالسجود حق. Il savait qu'il devait se prosterner. Et il savait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné. Lakin, c'est quoi qui l'a empêché? Al-kibr. Al-muslim. Daiman yas'al min Allah azza wa jal at-tawfiq wa thabat. Fala tadhun anna al-ilma yakfi wahdah. La. Al-ilm, c'est muhim. Et c'est une ibada azima. Lakin, ce qui va être utile pour le mu'min, c'est d'appliquer هذا العلم. Fakam min al-nas. يعلمون بعض المسائل ولا يعملون بها. Combien de personnes ils ont des connaissances, ben ils savent certaines choses. ربما بدليله لكن ils n'appliquent pas. في هذا الحال c'est très grave. فلهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. إما c'est pour toi بالعمل إما c'est contre toi, أي celui qui n'applique pas. العلم سطيب ذي النعمة عظيمة لكن سأُتِل بالعمل أما بغير عمل فسينحج على صاحبه. إذا un exemple avec هؤلاء المغضوب عليهم اليهود كذلك سكِل غصمبر. لكن العلماء يسيت اليهود لماذا؟ لأن سين صفة معلومة عندهم أو فيهم. Ils sont connus pour هذا أنهم يسافر الحق لكن يغجت. بل جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى كما في صحيح سنن الترمذي. قال ولا الضالين هم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سنقيد مهم. فأولا ولا الضالين, الضالون سنصارى أي الجهال يعملون بلا علم أي veulent se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى لكن بجهل. فإذا exagèrent et ils inventent حتى عيادا بالله انحرفوا وكفروا. هذا كذلك نستفيد منه فائدة عظيمة أن la motivation vouloir faire le khair c'est مهم لكن ça suffit pas. لابد من علم. deux choses essentielles pour le muslim, العلم والعمل. أما celui qui fait des efforts في العلم et il applique pas ففيه شبه باليهود. et celui qui fait des efforts في العبادة لكن il fait pas d'effort pour apprendre et il adore Allah subhanahu wa ta'ala bijahl fafihi shabahun bin nasara. Falihada qala Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayh kanu yaqulun man fasada min ulama'ina fafihi shabahun bil yahud. Ay celui parmi les savants qui s'égare et qui applique pas son ilm fa il a une ressemblance bil yahud. Limana li'annahu issi. Pourquoi il n'applique pas? Il y a plusieurs causes, ayyadam billah. Imma hawa, imma kibr. Wa qala rahmatullah alayhi, wa man fasada min ubbadina, fa fihi shabahun bin nasara. Et al-abid, qui s'égare, fa fihi shabahun bin nasara. Ay, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, lakin bi jahl. Yataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bil bid'a wal muhdathat. Et sa ibada est fondée sur al-khurafat, ou sur des rêves, ou sur des rumeurs. فَهَذَا فِيهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَى. فَالْمُسْلِمْ, il fait attention. الصراط المستقيم تقدم معنا أنه c'est quoi? C'est العلم النافع والعمل الصالح. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala juste après il a mis en garde contre deux groupes. المغضوب عليهم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il a mis en garde contre le مغضوب عليهم et كذلك الضالين. Tout ça pour te montrer que surat al-mustaqim s'est fondé sur l'ilm ou l'amal. Et celui qui délaisse une des deux fait forcément yadam billah, il ressemblera à un des deux groupes égarés qui est cité بعد اليهود et ceux qui le ressemblent أو النصارى السكيلو الصبر. قوله رحمة الله عليه وهم النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النصارى الآن جاءهم الحق أي après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam جاءهم الحق كثير منهم ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. فكذلك مغضوب عليهم, ne pas comprendre من هذا أن المغضوب عليهم c'est اليهود et النصارى لا ولا الضالين c'est النصارى et اليهود لا لا les deux مغضوب عليهم et les deux ils sont في ضلال مبين لكن c'est cité ou l'ulama ou fil hadith al-maghdoub alayhim c'est expliqué par les yahoud limadha li anna c'est min awsafihim al-bariz al-ma'roufa al-khassa ou plutôt anna hadhi sifa li mutaghalliba ala al-baqi ils sont connus akthar bi hadha wa illa fa nasara kadhalik. Est-ce que l'un les chrétiens qui ont entendu parler de l'islam ils ont tous accepté? Abadan. كثير منهم بل أكثرهم إذا أكسبت فكذلك مغضوب عليهم لكن كما تقدم أن هذه الصفة في اليهود ألي أكثر. انظر تفسير الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أضواء البيان إلى إكسبليكي هذا. قال وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. نستفيد من هذا إذا la conclusion de ce verset أن هذا سبخص باليهود وبالنصارى. On n'est pas à l'abri. Celui qui connaît le haq et qui ne l'applique pas, كذلك, il risque de rentrer في هؤلاء. Et celui qui adore Allah سبحانه وتعالى بجهل, كذلك, il est على خطر عظيم. Ne pas penser أن هذا الوصف il est خاص باليهود أو بالنصارى. لا. لا. Tous ceux qui n'appliquent pas alors qu'ils ont le ilm, alors qu'ils ont le qudra, alors qu'il n'y a rien qui les empêche. Enfin, ils ont un nasib min hada, ay min al-ghadab, ayyadan billah. Et tous ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala bi-jahl, alors qu'ils peuvent apprendre, alors qu'il n'y a rien qui les empêche, fakadalik lahum nasibun min hada al-dhalal. قال وفي قوله تعالى عليهم قراءتان سبعيتان إحداهما ضم الهاء والثانية كسرها عليهم عليهم. Ces deux qira'ah et les deux lectures, elles font partie des sept lectures et les sept lectures, كما تعلمون, كلها صحيحة متواترة. قال رحمة الله عليه وعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة فائدة. شيخ ابن عثيمين il a cité beaucoup dans son tafsir de الفاتحة ou les autres sourates, il cite souvent les قراءات أي قراءة مثلا ورش عن نافع أنه قرأ avec un alif et مثلا قراءة حفص أنه صن ألف on l'a vu هذا في مالك يوم الدين et مالك يوم الدين وهنا كذلك بالفتحة أو بالضمة. Beaucoup de passages في القرآن il y a plusieurs lectures et c'est toutes des lectures صحيحة. Celui qui lit de telle façon il n'a pas commis de faute. كذلك celui qui lit مثلا برواية ورش il n'a pas commis de faute. هذا on est d'accord. Donc celui qui récite les riwayat qaloun an nafi' ou warf an nafi' ou hafs an asim ou d'autres lectures, il n'a pas commis d'erreur. Abadan. Bel, c'est une qira'a sahiha bi-ijma' ulama al-qira'at. Lakin huna mas'ala. La mas'ala qu'il a cité chez Unadhimin, elle est muhimma. An si tu es dans un bilad et al-awam, amatun nas, la plupart des gens, la grande majorité des gens, yaqra'un bi riwayati Hafs mathalan ou bi riwayati Warsh. Al-muhim, ils ont une lecture qui est connue dans le bilad, mathalan fi al-Maghrib al-Arabi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, le nord de l'Afrique, c'est beaucoup qira'at riwayat Warsh an-Nafi'. كذلك du côté de la Libye c'est قالون عن نافع الحجاز واليمن والشام c'est قراءة رواية حفص عن عاصم Mouhim, chaque région a là une lecture, ils se sont habitués à réciter. Cheikh Al-Uthaymeen yaqul anna si tu récites, مثلاً, on prend l'exemple d'un imam, et tu récites fi as-salat al-jahriya avec une récitation qu'ils ne connaissent pas, une riwaya qu'ils ne connaissent pas, khassatan ba'd ar-riwayat, elle, c'est pas la même chose que l'autre riwaya, et le mot il change fi an-nutq. Rabbama ba'd an-nas ils vont pas comprendre. Ils vont croire que tu te trompes. Les annahum la ya'lamun qu'il y a plusieurs récitations, plusieurs lectures et c'est toutes des lectures sahiha. Rabbama ça cause une fitna. Ou tu es accusé de faire des erreurs fil Qur'an. C'est cette mas'ala qu'il va citer, qu'il a cité rahmatullah alayhi et qala li wujuhin thalath. Il va citer trois points. Pourquoi il faut éviter ça? قال أولا الوجه الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته عندهم لأنهم عوام لا يفرقون. Premier point, عندهم ils vont plus comprendre. Un imam récite de telle façon, un autre de telle façon. هذا القرآن يحبونه. Ils savent que c'est كلام الله. فربما cette divergence في القراءة ils comprennent pas. Et ça cause que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. أي منزلته تنزل عندهم. Ils vont plus comprendre. أن كلام الله c'est pas la même chose. Cet imam il récite de telle façon et l'autre il récite de telle façon. On évite. Deuxième point. الوجه الثاني أن القاري يتهم بأنه لا يعرف لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه فيبقى هذا القاري حديث العوام في مجالسهم. فائدة جميلة. أن si cet imam récite avec une lecture que هؤلاء ils connaissent pas, أولا il va être accusé أنه il ne sait pas réciter le Coran, أنه il fait des erreurs. كذلك العوام leur sujet de discussion ça va être هذا الإمام أنه يفعل أنه يستبقى رسيتي. ربما لا دعوة de ce imam خاصة si c'est un داعي إلى الله il va les appeler à des choses importantes كالتوحيد والعقيدة الصحيحة واتباع منهج السلف. فهم أصلا ils ont plus confiance, pour eux ils savent pas lire le Coran. تعلمون أن عند كثير من العوام أن الميزان c'est قراءة القرآن. Si tel imam ou tel frère ou tel prêcheur il sait réciter le Coran, fa'indahum il a du ilm. Si c'est pas réciter le Coran ou fait des efforts, il apprend pas le Coran, fa'indahum il a pas d'ilm. Et hada min wajh, c'est sahih, anna celui qui a de la inaya bil Coran, fa'insha'Allah, s'il fait des efforts, il aura du ilm. Mais celui qui fait aucun effort dans le Coran, et il sait pas réciter, il l'apprend pas, ala shak annahu il a un naqs. Fahum, par rapport à hada, rabbama il délaisse hada da'i illallah. Est-ce que c'est minal hikma ou il y a une faïda de réciter une lecture que ha'oula ils ne connaissent pas? Il n'y a aucune faïda dans la haqiqa. Léana le ma'na, c'est le ma'na. Et le Coran, c'est kalamullah, a'azza wa jal. Fait tu récites avec une lecture qu'ils connaissent, et alhamdulillah, yahsul khayr. Et on évite toutes ces mafasid. Al-wajhu al-thalith, troisième point. أنه إذا أحسن العام الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلده فربما يخطئ ثم يقرأ القرآن على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأها وهذه مفسدة. هذا السي on considère le troisième point أن هذا العام il reconnaît أن cet imam il a du علم. Et il ne l'accuse pas de s'être trompé. Là, qui il veut l'imiter? Alors, ben, il va se tromper. Léana, il ne maîtrise pas cette lecture. Hadith, c'est une mafsada azima. Donc maintenant, ça va se mélanger. Ils ne vont plus savoir est-ce que c'est tel qira'a, tel qira'a. Et Rabbama, il se trompe. Là, ces trois points, ils montrent anna hada, il faut éviter. Quand tu es dans un balad et ils ont l'habitude d'une lecture, enfin, tu récites avec la lecture. Tu les khalif pas bi'amd. بقي الناس واحد يكون كل لكتور ايه ils ont besoin de lui, فهذا شيء آخر. Mathalan, t'es dans la bilad, ils n'ont pas d'imam, ça arrive en voyage, et ils ont l'habitude de réciter avec riwayat Hafs, Mathalan, et en tas tu récites bi riwayat Warsh. Ah, la basse. En tas t'es de passage, et c'est eux qui ont demandé, ils ont besoin, enfin, Inch'Allah, la had yantaqid. Amma, wahad, il connaît la récitation de Ha'oula. Là, Mathalan, wahad, il connaît deux lectures. Et il est ahmed, volontairement, il récite l'autre récitation qu'ils n'ont pas l'habitude, là. Kadali, qu'on peut rajouter un point, là. Rabbama, ria, tatrol, tahjoum ala hada shakhs. Pourquoi ils vont réciter une lecture qu'ils ne connaissent pas les autres? Rabbama, c'est pour se montrer. Et Shaitan, il rentre min hada al-bab. Alors, ils vont montrer qu'il connaît une autre lecture, qu'il a des connaissances. Wahada, c'est pas tayyib, c'est khatir, bel. Fa'idatun, kadali, qu'on peut citer, huna, annaka, si tu écoute un frère qui récite le Coran, ne te précipite pas à l'accuser de s'être trompé. Limada. Léana Rubba Manta, tu as appris le Coran, ala hadihi riwaya, et lui, il récite avec une autre lecture. Fala tasta'jil. Mathalan, anta, tu connais le Coran, bi qira'ati Hafs, et lui, il récite bi riwayat Warsh, et anta, tu te précipites. Il a rajouté un alif, il a pas prononcé le hamza, il a akhlif. Tu vas te faire du mal. Limada li anna al-qira'at, il faut les connaître. Celui qui ne connaît pas, il dit Allahu a'lam. Khassatan, si tu sais que le frère il récite bien il a akhiré, rubbama il récite avec une lecture que tu ne connais pas, fala tasta'jil. Ne te précipite pas. Fi hadha al-hal, tu lui demandes. Ya akhil karim, je t'ai entendu réciter ce verset de telle façon, et il y en a, je ne connais pas, et tu lui montres. Et où il va te répondre? Imma il va te dire na'am, c'est une erreur. Je me suis trompé. Alhamdulillah, tu l'as corrigé. Imma tastafid min. Il va te dire, na'am, cette lecture, c'est la lecture de tel imam, et il va t'expliquer. Et tastafid. On ne se précipite pas, na'am. On ne se précipite pas. Celui qui corrige, il doit être à la ilm. Si tu ne sais pas, demande. Qala, rahmatullah alayhi. Wa lihada qala aliyun, radiyallahu an. Hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna. أن يكذب الله ورسوله أخرجه البخاري كما في الحاشية حدث الناس بما يعرفون هذا الأثر فيه فوائد عظيمة et parmi ces فوائد la مسألة qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen أي emmener des choses que les gens ne connaissent pas et ils ne sont pas prêts ربما ça fait une fitna والدعي إلى الله il n'est pas là pour faire des fitnes il est là pour montrer aux gens le haq. Amma, tu as le choix entre deux choses. C'est deux choses mashrou'a, deux sunan. Mathalan, on a cité l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, al-qira'a. Est-ce que celui qui récite la lecture de Hafs, est-ce qu'il a commis une bid'a ou un interdit? Abedan. Donc, si ce qu'on, ils ont l'habitude, récite-leur ce qu'ils ont l'habitude. Enfin, anta, tu as appliqué, tu as récité une lecture sahiha, et alhamdulillah, les gens, ils vont accepter, ouais, il y aura du khayr. Mouhim, on évite al-fitna. Deux choses légiférées, tu choisis la chose où il y a un khayr et tu t'écartes d'une chose qui peut pousser à un mal. Même si cette chose, c'est du haq. On a l'exemple avec les deux lectures. Mithalun akhar. Deuxième mithal qu'on peut citer هنا. As-salatu fin ni'al sunnah. Plusieurs hadiths fi hada. الشيخ مقبل رحمه الله عليه جمع هذه الاحاديث في رساله الى rassemblé ces hadith dans une petite risala مشروعيه والصلاه في النعال الى cité beaucoup de hadith مهم في السنه الصلاه في غير النعال بينه كذلك c'est مشروع في السنه le prophète sallam il l'a fait الان عند قوم ils ont pas l'habitude et خاصةً on parle du masjid. Tu vas mettre tes sandales ou tes baskets fi le masjid, ça va faire une énorme fitna. Tu vas être accusé de ne pas respecter le masjid. Tu vas être accusé de ne pas avoir de ilm. Tu vas être accusé de beaucoup de choses. Et à la fin, ربما, tu n'es plus l'imam ou tu te fais expulser de ce masjid, beaucoup de mafasid. Alors que si tu aurais fait ça la pile, ثم ستندعي إلى الله تؤدك هؤلاء على السنة et أولا tu commences par العقيدة الصحيحة فإن عظم الله عز وجل سيعظمون دينه. Ils vont donner de l'importance au din. Et tu leur expliques sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vas leur expliquer هذه المسألة, ils seront prêts. أما بعضهم, ils foncent et ils font beaucoup de mal. Al-ulama rahmatullah alayhim, ils citent souvent une qa'ida, c'est جلب المصالح ودفع المفاسد. فالإنسان faut qu'il soit عاقل فطن. Il y a des choses, ça pousse à des mafasides, même si c'est un mashrou'. Et dans le même temps, tu as une autre chose qui est mashrou'a ou qui n'a aucune fitna. Prends la chose qui est mashrou'a. فلهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله. مثلا ربما يتفوا فخ صلاة في النعال ils insultent ceux qui ont fait salat fini'al et ceux qui ont ordonné hada. Pourquoi? Les anapourous, un manque de respect, le masajid, il a akhiré. Et la haqiqa, c'est très grave. Les anas, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné hada. Et c'est une sunnah mustahabba. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a faite. Tu ne dois pas être le sabab de hada. Et hada l'hal, tu as deux choses mashrou'a, tu appliques la deuxième pour éviter le fitan. Kalalik, si on qadar, mathalan, on a un masjid et on fait da'wah. Et alhamdulillah, yamtali le masjid bil awam bin nas. Zumma, un de nous il fait salat bin ni'al. Ou celui qui fait da'wa, l'imam il fait salat bin ni'al. Rubama les gens ils délaissent ce masjid alors que tu appelles au tawhid. Allez où le fa'ida? Aïna le fa'ida? Est-ce que le fa'ida al-azima c'est d'appeler les gens au tawhid ou de leur montrer le salat bin ni'al? La chakana, l'anbiya ils ont commencé par da'wa ila tawhid. لأن celui qui délaisse le tawhid c'est un kafir. Celui qui délaisse salat fi ni'al la shay alayhi, c'est une sunnah, c'est pas obligatoire. Et anta si tu veux appliquer cette sunnah wallahi alhamd, applique la chez toi. حقيقة نحن هنا تقصير même chez nous. أما السني normalement il applique هذه في بيته, chez toi personne va t'empêcher. نحن هنا تقصير أحيانا ربما une semaine, deux semaines, un mois, un an, on ne fait pas salat fi ni'al. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال صلوا في ni'alikum خالفوا اليهود خالفوا المشركين في الأحاديث. Faites salat dans vos ni'al, dans vos sandales, ne faites pas comme les Yahoud. ففي بيتنا, chez nous, نعم, on fait. Ou quand on voyage, ولله الحمد. أما مع الناس, ils ne sont pas prêts à هذا. بعض الناس, تعلمون أنهم الآن, ils ont un taqsir, ils ont un manque dans des choses مهمة, dans des أصول. فمن حكمة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى هذه الأصول. أي هذا تقدم معنا كثيرا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أي si tu informes الناس une chose ils sont pas prêts pour cette chose ربما ça devient fitna pour eux. كذلك un فعل et on a cité des amthila. هذا c'est مهم. طالب العلم دائما طالب علم أو غيره دائما il doit faire attention quand il fait une chose. Est-ce qu'il y a une maslaha? Est-ce qu'il y a une mafsada? خاصة في أماكن الجهال خاصة في زمن الفتن. أما on fonce là c'est une sunna il faut que je la fasse. ثم ça fait beaucoup de dégâts à cause d'un manque de réflexion. Hada, c'est pas min manhaj al-salaf. Et tu as un exemple al-an avec Cheikh Ibn Uthaymin qui nous détaille hada. Wa ta'ammal hadhihi al-qissa qui va citer an Umar. Qala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lamma sami'a Hisham ibn Hakim yaqra ayatan lam yasma'ha Umar 'ala al-wajh alladhi qara'aha Hisham khasamahu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ta'ammalu quand il a entendu Umar, il a entendu Hisham ibn Hakim, un autre sahabi, réciter avec une lecture qu'il ne connaissait pas, khasamahu, inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont partis voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé la question, pourquoi un tel il est hakada? Ça nous montre anna fi midla hada al-hal, on revient à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umar radiyallahu anhu, l'an ikhtalava ma'a Hisham. Ils ont une divergence sur l'qira'a. Hisham, il a lu et Omar il n'était pas d'accord لأنه il ne connaissait pas هذه القراءة. Ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'da mawt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on revient à sa sunnah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ. انظروا العدل لا جستس. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا خلاف بينهم, ils ont divergé sur un point. Il dit à Hisham, اقرأ غسل حتى النبي صلى الله عليه وسلم il va entendre ثم يحكم بينهم. هكذا نحن on doit faire quand il y a un خلاف. T'as pas le droit de تميل إلى صاحبك أو إلى قريبك أو il y a une مصلحة عند فلان, enfin tu prends position sans regarder الحق. هذا من الهوى. قال فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال quand il a entendu la récitation de Hisham, le verset il a été révélé هكذا. Et comme Hisham il récite, et Hisham il s'est pas trompé radiyallahu anhu, sa lecture elle est sahiha. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اقرأ. هكذا quand il y a un khilaf بين اثنين, et انت tu veux arranger les choses, écoute des deux parties. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي هشام اقرأ أي غسل, ثم قال لعمر رضي الله عنه اقرأ. حتى الحكم il sera basé sur leur récitation, est-ce qu'ils se sont trompés أم لا. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت أي كذلك عمر. Sa récitation c'est pas une erreur, c'est une récitation صحيحة. Donc les deux ils avaient raison. Ça nous montre que le Coran, il y a plusieurs ahruf, il y a plusieurs façons de le réciter. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الأحرف فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعها في حرف واحد وهو حرف قريش. هنا Et on a plusieurs récitations. Et ça montre que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils faisaient tout pour s'écarter du khilaf. Fata'ammal fi'l Uthman, radiyallahu anhu, il a rassemblé le Coran fi mushafin ala harfi Quraysh. Tout ça pour éviter un nizah. Alors que les autres récitations, كذلك, c'est authentique, elles sont sahihas. Lakin pour éviter le khilaf. هكذا المسلم هكذا السني هكذا طالب العلم أكثر أنه يفيد tout pour écarter les gens du khilaf. أما aimer les choses que الغرائب et les choses qui sortent de l'ordinaire ou que les gens ne connaissent pas ou vouloir se montrer, هذا c'est pas من منهج السلف. لأن ces choses ربما ça fait du mal, ça met des doutes. Et نحن ولله الحمد notre دعوة elle n'est pas fondée sur هذا, pas fondée sur les nouveautés. بعضهم ils aiment les choses nouvelles. لا, دعوته السنية اللي فوندي سر ما كان عليه السلف. الدين اللي واضح اللي واضح, لكن أحيانا سين سنة بعض الناس لا كونسبا. فسي اينو سنة اي tu l'applique et en même temps tu lui montres حتى يفهم فالحمد لله. ne pas comprendre من هذا أن السني أو الداعي إلى الله عز وجل أنه يفيد بدع pour que les gens ils acceptent. Là, ça c'est une autre mas'ala. Le bid'a c'est une bid'a. Là, on parle deux choses mashrou'a. On a donné l'exemple avec salat bin ni'al ou salat bi ghayri ni'al, wa kadhalik hadha al-mithal bil qira'at. Amma faire une bid'a pour que les gens ils acceptent ta da'wa, fal bid'a ma fiha khayr. Kullu bid'atin dhalala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-baraka c'est via la sunna. أنت applique la sunna بالتي هي أحسن وتصبر مع الناس petit à petit. Celui qui accepte, alhamdulillah, s'ils acceptent pas, فما عليك. فيأتي يوم القيامة نبي وليس معه أحد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. يوم القيامة نبي il sera يوم القيامة et il a aucun suiveur, personne l'a suivi. Alors que l'anbiya, leur da'wa, walillahi alhamd, elle est fondée sur l'ilm, wal-hikma, wal-rifq. Lakin, son qu'on, ils n'ont pas voulu le haq. Ça nous montre. Montrer le haq, c'est pas à tout prix. Là, on montre le haq, bien le mashrou'. Amma wa'ad al-nas, même si tu as de la hikma, même si tu montes tout doucement, ils ne veulent pas accepter. Fala tubali bihim. Tu montres. Amma pencher vers le bid'a, wal-jahl, wal-khurava, pour satisfaire un tel, Abada. Bien comprendre cette masala, ne pas mélanger. Il y en a des gens, ils mélangent. Ils mélangent. Ils pensent que cette masala, c'est applicable sur le fait de faire des bid'a. Là, le bid'a, c'est une bid'a. Tu leur montres. Et même cette bid'a, tu leur montres, billati hiya ahsan. Wa tasbir alayhim. Si c'est des juhal, ils ont l'habitude de la faire, tu leur montres. Hatta, inshallah, yahsul khayr. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث منهم ونسيت الأحرف الأخرى فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي فما بالك بعام يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. عمر رضي الله عنه quand il a entendu هشام رضي الله عنه réciter avec une récitation qu'il connaissait pas, ils sont partis voir le Nabi صلى الله عليه وسلم. Alors que c'est Omar radiallahu anhu, le sahabi al-jalil. Mbaluk l'an a'am. Ma y'arif shay an hadihi l'qira'a. Peut-être que huwa sayyid tahimak. Il va te critiquer par derrière. Et il va avoir des choses dans son cœur. Il va penser que tu te trompes et que tu n'es pas à la ilm. Et il y a des mafasid kabira. Donc là, on le délaisse et on récite avec ma huwa mashhur, ma'ruf, inda al-nas. Walhamdulillah. ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس فدع الفتنة وأسبابها انتهى. كلام جميل. ما دام العلماء متفقين. سنمونتخ أن cette مسألة c'est quand il y a plusieurs choses مشروعة. فالعلماء الآن متفقون أن الصلاة في النعال سنة. كذلك متفقون أن الصلاة في غير النعال كذلك سمشروع même si الصلاة في النعال سميو لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى déjà في الصلاة بغير النعال ولا شك. هذا سنمونت أن الإنسان في المييو c'est ça la base. Et s'il peut pas, ça pousse à une fitna à cause de l'ignorance, à cause de plusieurs choses, il applique l'autre sunna حتى يعلم الناس. كذلك on fait des efforts pour leur montrer la sunna. Leur montrer sunna billati hiya ahsan, hatta inshaAllah, petit à petit, ce genre de sunnan, ça revient. Amma, wahed, il fonce comme a qulna, et il regarde pas le masalih, ou le mafasid, et il revient pas à l'ilm. Les anna, ceux qui vont nous dire, al maslaha, ou al mafsada, et qu'ils ont de l'expérience, oui, hadal bab, et qu'ils connaissent l'adilla, c'est l'ulama. Ils ont posé la question à al-lajna da'ima, an hadihi al-mas'ala. أي رجل في بلد مثلا يقرأ برواية ورش alors qu'il est parti dans un village, ils ont l'habitude de réciter avec les روايات حفص. Et ils ont répondu أن هذا c'est pas صحيح. لماذا؟ لأن ça va causer une fitna بلبلة بين الناس. Les gens ils vont plus comprendre. العوام ils ont l'habitude des années ils écoutent ce Coran d'une façon et du jour au lendemain واحد يرسيت avec ce qu'ils connaissent pas فسيتهمون. الفتوى من اللجنة c'était de délaisser هذا الفعل et de réciter avec les récitations que les gens y connaissent. تستفيد من هذا une autre فائدة et on conclut cette مسألة بهذا أن si tu apprends le Coran apprends-le avec la رواية de ton بلد ou le بلد où tu comptes vivre. لماذا لأن si tu apprends le Coran avec cette riwaya, inshallah, s'ils ont besoin d'un imam, tu pourras réciter avec leur qira'a, celle que tu as apprise. Kadhalik, tu en auras besoin pour da'wa, c'est tayyib. Tu apprends une qira'a, dans ton bilad où tu veux vivre, personne récite cette qira'a, ils ont besoin d'un imam, et tu ne pourras pas réciter. Tu vas réciter avec une lecture qu'ils ne connaissent pas, ou y'a tahimounak. C'est une fa'ida, tu apprends le Qur'an avec la riwaya de ton balad. هذا والله تعالى أعلم. نكمل بقية قليل الفوائد. قال ومن فوائد الآيتين ذكر التفصيل بعد الإجمال لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وهذا مجمل صراط الذين أنعمت عليهم أي لفوائد du verset qu'on avait étudié ensemble dans le درس précédent. C'est pour ça qu'il est revenu à اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم وهذا مفصل لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة. الإجمال في قوله اهدنا الصراط المستقيم Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas précisé c'est quoi surat al-mustaqim. Thumma qala azza wa jalla surat alladhina an'amta alayhim. Thumma, ensuite il a précisé c'est quoi ce surat. Le fait de citer au départ l'ijmal, la chose en général ou globalement, thumma, ensuite citer à tahsis et spécifier, montrer, il y a une faïda azim. قال فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان فإذا جاء التفصيل ورد على النفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه ثم فيه فائدة ثانية نعم أن الإجمال أي quand le verset est cité globalement فالمسلم المؤمن qui médite qui comprend il va attendre البيان. Il est prêt. Il est prêt à écouter, à méditer, à comprendre. ومنها إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم لأنها فصل محض من الله نعم صراط الذين أنعمت عليهم فسنمونخ أن هؤلاء إذن يتقدي بتوفيق الله عز وجل سنمونخ أن الهداية بفضل الله جل وعلا فدمونت سد هداية من الله. Fais les efforts. Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala idha arada hidayata shakhsin fala ahad yastati' an yu'idahu an hadhihi al-hidaya abadan. Faman yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. On les récite souvent fi khutbat al-haja. Wa minha inqisam an-nas ila thalathati aqsam. قسم أنعم الله عليهم وقسم مغضوب عليهم وقسم ضالون وقد سبق بيان هذه الأقسام نعم ونفي هذا فيما تقدم وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد deux choses qu'on a citées ensemble ولله الحمد أن الهداية est fondée sur deux choses والخير العلم والعمل والانحراف C'est l'opposé de ces deux choses. Al-jahl, c'est le contraire de l'ilm, ou al-inad, c'est le fait de ne pas appliquer. Il sait la qu'il ne veut pas appliquer. A'iyadan billah. Qala wal-ladhina sabbaba khurujuhum al-inad humul maghdoub alayhim wa ala ra'sihim al-yahoud wal-akharoun al-ladhina sabbaba khurujuhum al-jahl kullun man la ya'lam al-haq wa ala ra'sihim al-nasara. وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة عن النصارى أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه فصاروا هم واليهود سواء كلهم مغضوب عليهم نعم وهذا تقدم الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه في أضواء البيان إلى ستي هذه الفائدة وكذلك شيخ ابن عثيمين هنا فكلهم مغضوب عليهم وكلهم يجب علينا أن نبغضهم في الله. On doit les détester villahi azza wa jalla. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala ghadiba ala haula. Est-ce qu'un mu'min il va aimer une personne que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste ou il est en colère? Voilà. Qala jalla wa ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله المغضوب عليهم نبغضه كائن من كان سواء يهودي أو نصراني أو سائر المشركين الملحدين كي زون با اكسبت الحق كلهم مغضوب عليهم كذلك كلهم ضلال سنتز على ضلال. قال رابعا ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه فائدة جميلة. قال عز وجل غير المغضوب عليهم أنا غضب هذا الاسم اسم مفعول أي على وزن مفعول مغضوب تجي مكتوب quelque chose qui est écrite. Enfin, tu as un fa'il, katib, celui qui écrit. Tu as le maktoub, c'est la chose qui est écrite. Al-ghadab, al-maghdoub, c'est ça, ism al-mab'oud. Mathalan, tu as un autre nom, dharaba. Tu as ism al-fa'il, c'est dharib, celui qui frappe. Et tu as le maghdoub, celui qui reçoit le coup. فهؤلاء مغضوب عليهم أي من الله. Vous avez remarqué que c'est cité على هذا الوزن. Pourquoi? لأن الغضب il est حاصل. Allah il est en colère contre eux. C'est pas une chose qui va se passer بعد. لا. مغضوب عليهم أي الآن. Tous ceux qui sont على هذا الوصف. عيادا بالله. مغضوب عليهم. قال شيخ تيمين حاصل من الله. وَمِنْ أَوْلِيَائِهِ كَذَلِكَ مَغْضُوب عَلَيْهِمْ. Tu trouveras que le mu'min al-salih, il déteste les Yahoud, les Nasara, les Sa'ir al-Kafar. مَغْضُوب عَلَيْهِمْ. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُقَدَّمَ الْأَشَدْ فَالْأَشَدْ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدَّمَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَى الظَّالِّينَ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُخَالَفَةً لِلْحَقِّ مِنَ الظَّالِّينَ. إن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. وهذا لا شك فيه أن السلوي كالسيجار عن علم أي عيادا بالله بعناد إذا با أكسبت الحق فهذا يصعب رجوعه. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يجد كيف, لكن en général هؤلاء يرفين با. لماذا؟ لأنهم لحق إلا كنسي إلا رجع. أما الجاهل ربما سي إي كوني لا فيغيتي إي روفيان. فلهذا المغضوب عليهم إي سون بلو زيغاري إي سي بلو غراف لوغ سيتواسيون لو بلو غراف ك الضالون. فلهذا الله سبحانه وتعالى إلي سيتي لي بخوميي أي إلا سيتي لا لو غروب دون لا سيتواسيون سي لا بلو غراف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى كل حال السورة هذه عظيمة أي سورة الفاتحة. ولا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة. وهذا لا شك, لأن هذه السورة من كلام الله عز وجل, فمهما اجتهد العالم في تفسيرها إلى غير أستيتو. قال لكن هذا قطرة من بحر, ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. كتاب جميل, مدارج السالكين. Il explique كثيرا في هذا الكتاب, طبع في 4 مجلدات, ils l'ont imprimé en 4 volumes, et d'autres tabaat en 2 volumes. Al-Muhim, c'est plusieurs mujallad. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh tawassa fi hadha al-kitab. Et là, le prochain cours bi-idhnillahi azza wa jal, on essaiera de récapituler ou de résumer tafsir surat al-Fatiha avec kalam al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh min hadha al-kitab, inshallah ta'ala, si on peut. فنكتفي بهذا القدر غيبيزي هذا الكتاب, فهو كتاب مختصر, رسالة مختصرة لكن فيها فوائد عظيمة. Et on en a besoin tous les jours, كما تقدم, c'est une sourate qu'on récite souvent plusieurs fois par jour. On doit comprendre المعاني. كذلك on révise les فوائد que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. كذلك الاطلاع مطالعة على شروحات العلماء الأخرى. Et parmi les plus simples, lisez تفسير الفاتحة de الشيخ سعدي رحمة الله عليه. C'est un تفسير que la plupart des frères ils ont. Et vous lisez تفسير سورة الفاتحة avec ce que vous avez étudié الآن, ça sera très simple. هكذا les autres تفسير. Et كذلك les audios de أهل العلم في هذا الباب ففيها فوائد كثيرة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.